Chapitre 35. Lord Beville ne se fait pas prier pour venir rejoindre sa sœur à Fairview. Il était là en visite depuis très peu de temps, lorsqu'un jour, s'épanchant avec Lady Frances, il lui dit « Il n'y a qu'une jeune fille au monde qui me plaise et elle ne voudra jamais de moi. » Sa sœur n'eut garde de lui donner des espérances qu'elle ne partageait pas, car plus elle était entrée dans l'intimité de Dulcy, plus elle s'était convaincue qu'il n'existait aucune affinité entre la nature inculte de Lord Beville et celle de la châtelaine de Fairview. Au bout de 6 semaines de solitude, Lord Blatchmardean se plaignait si fort et si haut de son sort que Lady Frances et Lord Beville finirent par réintégrer le domicile paternel. Toutefois, avant de quitter ses hôtes, Lady Frances leur promit que dorénavant elle ferait 2 parts égales de sa vie, l'une pour Blatchmardean et l'autre pour Fairview. Le mois d'avril touchait à sa fin. L'aubépine en pleine floraison parfumait les sentiers. La giroflée jaune donnait une teinte d'or aux plates-bandes des jardins. Les jacinthes sauvages bleuissaient le sol dans les bois. La fauvette, le merle, le rossignol se donnaient à l'envi la réplique. Le pivert industrieux frappait sans relâche le tronc des arbres de son bec pointu et bien acéré. L'abeille bourdonnait gaiement en butinant. La nature tout entière était en joie, car c'était le printemps, cette fête annuelle du renouveau, dont les hommes ne jouissent jamais autant qu'ils le devraient, parce que pour eux, il y a toujours quelques soucis qui assombrissent le riant tableau de la nature, le coloris des fleurs ou l'ardent éclat du soleil. Ce jour-là, les enfants du village qui prenaient leurs ébats dans les bois étaient seuls à profiter des richesses de cette saison bénie, si bien en rapport avec leur ardeur vitale et leur exubérante gaieté. Le printemps acheva de rendre à Morton force et santé. La jeunesse et la nature finirent par avoir le dessus. Ajoutons aussi que les bons soins dont il avait été entouré furent pour beaucoup dans cet heureux résultat. La pauvre tante Dora n'avait pu continuer à seconder Elisabeth dans son rôle de garde-malade, mais celle-ci s'était multipliée avec tant de zèle et d'ardeur qu'elle suffisait à tout. Elle écrivait sous la dictée de Morton, faisait la lecture, causait avec lui d'économie politique, de projets philanthropiques, et répondait même sans embarras aux questions qu'il lui adressait sur Dulcy. Nous ne tarderons pas d'ailleurs à retrouver la tante et le neveu en tête à tête. Un jour, Morton ayant dit à Miss Dora que son mariage avait été rompu à l'instigation de Sir Everard, elle s'écria avec impétuosité « Mais il est donc fou !»« Ne pouvez-vous soupçonner, ma chère tante, vous qu'il connaissait depuis longtemps, à quel puissant motif il a obéi en agissant ainsi ?» Au lieu de répondre, elle garda le silence pendant quelques minutes, se sentant pâlir sous l'émotion qui l'étreignait. Qu'a-t-il pu se passer dans son esprit, reprit Morton, entre le moment où il a accordé son consentement et celui où il l'a retiré? Il aura commencé par céder au désir de Dulcy, puis, sa conscience se réveillant tout à coup, il se sera rétracté. Sa conscience. Oui, sa conscience, tante Dora. Le remords seul a pu le décider à cet acte d'autorité, dont je lui suis reconnaissant d'avoir d'ailleurs pris l'initiative, car j'aurais été obligé d'être l'instrument de mon propre supplice et de celui de Dulcy. Tôt ou tard, mes scrupules auraient été plus forts que mon amour. Ce qu'il a fait là est un des actes les plus honorables de sa vie. « Je ne vous comprends pas, » balbutia Miss Blake de plus en plus émue. « Votre pâleur, votre émotion prouvent que vous me comprenez. Vous avez, chère tante, pour m'aider à pénétrer ce mystère, des lumières que je n'ai pas. Vous en savez beaucoup plus que moi sur le passé. Vous frissonnez à ce mot, car vous devinez où je veux en venir. » Morton. « De grâce !» s'écria Miss Blake d'un ton suppliant. « Non, je ne puis me taire. » Se rapprochant alors de sa tante, il lui dit, presque tout bas, en articulant chaque mot d'un ton sinistre, « C'est Sir Everard qui a assassiné mon père. »« Morton !» répliqua en tressaillant Miss Dora. « Comment pouvez-vous formuler une accusation aussi horrible ?» Après les aveux de Humphrey Vargas, il me semble que personne ne peut soupçonner Sir Everard. Jusque-là, vous mettiez donc son innocence en doute? Je n'en dirai pas davantage, Morton. Ah, vous le soupçonniez. Ah, vous le saviez. Et vous ne m'en avez pas moins laissé libre de me fiancer avec Dulcy. Quelle autorité avais-je pour mettre obstacle à vos vœux? Vous aviez demandé la main de Dulcy avant même que je sache combien elle vous était chère. J'étais surprise de votre choix. J'avais caressé un autre espoir. Quant à mes soupçons à l'endroit de Sir Everard, ce n'était qu'une sorte de terreur inconsciente que j'osais à peine m'avouer à moi-même. La confession de Vargas a dissipé cette terrible crainte. La confession de Vargas! Mais elle n'a fait que m'ouvrir d'autres horizons plus sombres encore. En tout cas, vous ne sauriez porter sur le père de celle qui fut votre fiancée une accusation pareille sans preuve à l'appui. Dieu sait ce que je ferai. Je parle ici avec une ouverture de cœur qu'avec vous, ma tante, je puis me permettre, car je sais que vous partagez mes soupçons. Oui, mais ces soupçons tenaient à un autre crime que vous ignorez. Que voulez-vous dire? Que votre père a trahi ce Rêvrard dans ses affections, dans son honneur, et que la jalousie d'un mari offensé est une circonstance atténuante aux yeux de la loi et des hommes. Cette révélation inattendue produisit sur Morton l'effet d'un véritable coup de massue. Il sentait que sa tante, en formulant cette terrible accusation, avait obéi à un inexorable sentiment de justice, que son père était le premier coupable, et qu'en commettant ce crime, Sir Everard n'avait cédé qu'à un implacable besoin de vengeance. Le neveu et la tante s'en étaient dit assez. L'indulgence pour Sir Everard était maintenant la justice. Sous l'empire de ce nouveau chagrin, Morton serait probablement encore retombé dans l'état de prostration et d'apathie qui avait été l'avant-coureur de sa maladie sans l'intervention d'Elizabeth Hardman. Pour lui remonter le moral, elle l'encourageait dans la poursuite de ses études favorites. Elle fit si bien qu'elle le décida même à publier une brochure politique puis un pamphlet, et comme il était encore trop faible pour tenir la plume, il fut convenu qu'elle écrirait sous sa dictée. « Savez-vous que vous êtes pour moi une sœur, plus qu'une sœur ?» lui dit-il un jour. « Bien que ma reconnaissance ne me pèse pas, c'est un bonheur pour moi, Morton, je vous assure, de pouvoir vous être utile. C'est un bien léger raconte pour tout ce que je vous dois, à vous et aux vôtres. Mais c'est moi, s'écria Morton, c'est moi qui resterai toujours votre débiteur. J'espère qu'à mon peu vous mettrez mon zèle à l'épreuve d'une autre façon encore. Comment cela ? En me chargeant de recueillir les extraits des journaux de Blackford au sujet de l'élection qui ne tardera pas à s'y faire. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne connais pas de vacances. Mon frère m'a écrit que l'un des membres du Parti libéral parle de donner sa démission pour cause de santé, et vous êtes certes le candidat le plus digne de le remplacer. Eh bien, si M. Villeney donne sa démission, je monterai sur la brèche, et je serai doublement désireux de réussir, puisque vous portez intérêt à mon succès, et que, si succès il y a, je vous en devrai la meilleure part.